بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Donc nous continuons بإذن الله nos cours de fiqh, et notamment l'explication de ce livre, Manhaj al-Salikin, l'imam Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Et nous avions terminé la semaine dernière, Babu ma yujibu al-ghusl, wa sifatuhu, le chapitre concernant ce qui rend obligatoire le ghusl et la description du ghusl. On a détaillé. La semaine dernière. Ensuite, l'imam dit Babu at-tayammum, le chapitre concernant at-tayammum. At-tayammum, certains le traduisent en français par les ablutions sèches. Allahu alam, on garde le terme en arabe at-tayammum, on va l'expliquer, et je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le terme. وهو النوع الثاني من الطهارة وهو النوع الثاني من الطهارة c'est-à-dire le tayammum. التيمم, c'est la deuxième catégorie de la purification. لأن الطهارة على قسمين طهارة مائية وطهارة ترابية وهو التيمم. La purification elle est de deux catégories, la purification avec l'eau et la purification avec la terre, turab. Donc at-tayammum c'est cette deuxième catégorie. Wa huwa yadullu wa asghala. Wa huwa badalun an taharati al-ma'. Et donc at-tayammum c'est ce qui vient remplacer la purification de l'eau avec l'eau. La purification avec l'eau. Donc ce qui vient remplacer cela, et on va voir dans quelle occasion, c'est ce qu'on appelle at-tayammum. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعدها لعدمه. Quand est-ce que التيمم vient remplacer le wudu avec l'eau, les ablutions avec l'eau, lorsque l'utilisation de l'eau sur les membres des ablutions ou sur certains membres des ablutions n'est pas possible? Ou s'il n'y a pas d'eau. Ou s'il n'y a pas d'eau, si l'eau est absente. Ou khawfu dararin bisti'malihi fayaqumu at-turabu maqam al-ma'i. Ou alors si la personne craint un préjudice ou un mal en utilisant l'eau, alors à ce moment-là, la terre vient prendre la place de l'eau, c'est ce qu'on appelle le tayammum. On va expliquer ce point-là. At-tayammum ya'ti fi halatayn. Adam wujud al-ma, falam tajidu ma'an fatayammamu, comme قال الله سبحانه وتعالى. Le tayammum vient dans deux situations. Lorsqu'il n'y a pas d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux sens approchés, et lorsque vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Salam. La SDE, ça fait 4 mois qu'elle a coupé l'eau, ou que l'eau ne vient pas chez toi. Il n'y a pas de charrette, il n'y a pas d'eau à la maison, il n'y a pas une goutte. Les voisins n'ont pas d'eau, la mosquée n'y a pas d'eau, le quartier n'y a pas d'eau. Tu as juste de l'eau pour boire. De l'eau suffisante pour boire. Tu n'utilises pas l'eau, tu gardes l'eau pour boire. L'eau pour boire, c'est essentiel à la vie. Alors, dis-lui qu'il repasse demain. Alors, dans ce cas-là, on fait le tayammum. On utilise le tayammum. Tayyib. Al-halatu thaniya an yakhsha ala nafsihi dararan كان يكون مصابا بالمرض مثلا ويخشى أن الماء يزيد في هذا المرض أو يخشى على نفسه من البرد والشتاء. ما وجد إلا ماء بارد كما فعل عمرو بن العاص. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أي في السرية، وكان عمرو أميرا لهذه السرية. فلما جاءت صلاة الفجر ما استطاع أن يغتسل، قام على الجنابة فتيمما فصلى بالصحابة وهو على التيمم. ولما رجعوا اشتكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل فعلت هذا يا عمرو؟ صليت بهم وأنت على الجنابة؟ قال: يا رسول الله، الله يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكنت سأقتل نفسي إذا اغتسل لأن الماء بارد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بعمر ابن العاص رضي الله عنه. Et donc la deuxième situation où le tayammum est pratiqué, c'est lorsque la personne a peur pour sa propre personne. Elle a peur un mal ou un préjudice causé par l'eau. Il a été touché par une maladie. Et l'eau, s'il touche l'eau, l'eau va aggraver la maladie. C'est possible, ça existe. Ou alors, un froid violent, terrible, comme il peut en avoir des fois en hiver. Très très froid. L'eau est froide, peut-être pas ici. Mais dans certains pays, l'eau peut être glacée. Rien pour chauffer l'eau. En plein hiver. Tu sais que si tu utilises l'eau là, ça va être peut-être une cause de maladie, voire pire. Certains sont morts en utilisant de l'eau très froide lors d'un climat très froid. Certains sont morts. Certains ont mentionné que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, il s'est lavé lors d'un temps froid, lors d'un climat très froid, il est tombé malade et il est mort de cette maladie. Donc c'est la deuxième situation où on doit pratiquer le tayammum. Et la preuve, c'est ce qu'a fait Amr ibn al-As radiallahu anhu. Amr ibn al-As a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en expédition. Sariya. En arabe, il y a Sariya wa al-Ghazwa. Les ulama ont divergé sur la différence entre Sariya et Ghazwa. Certains ont dit Ghazwa, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé. Comme Ghazwatu Badr, Ghazwatu Uhud, Ghazwatu al-Khandaq, Ghazwatu Tabuk, etc. Et Sariya, Sirriya, pardon, c'est quand le prophète envoie des expéditions. Il envoie un groupe d'hommes armés pour faire une mission précise ou pour combattre un ennemi précis, etc. D'autres ont dit non. Ils ont dit Sirriya, c'est quand c'est une petite armée. Et Ghazwa, c'est une grande armée. Que le prophète ou non soit là ou pas. Al-Muhim. Revenez dans les livres de Sira où ils expliquent en détail, ou dans les livres de Loura de la langue arabe, ils expliquent. En tout cas, là, il a envoyé Amr ibn al-As. Et il a mis Amr ibn al-As comme amir, comme chef de l'expédition. Vous savez, pour faire partie de l'islam, dans ce genre de situation, il y a un chef. On doit l'écouter, on doit lui obéir. Afin de faire respecter le règlement, etc. Dans l'armée, imaginez-vous une armée, il n'y a pas de chef. C'est le fawda, c'est l'anarchie. Donc à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un émir, comme on dit en français, en arabe, un général, un dirigeant. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé juste avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une armée pour envoyer au nord, et il avait mis qui à la tête de cette armée? Là, c'est pas celle-là que je veux dire. Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd. Alors qu'il était très très jeune. C'est un adolescent. Mais l'armée n'est pas partie avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et lorsque Abu Bakr radiallahu anhu a pris le commandement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé l'armée. Ils ont dit ya Abu Bakr, Usama est jeune, change le émir. Alors Abu Bakr a dit, je ne changerai pas l'émir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Hein? Al-Muhim. Donc il a envoyé Amr ibn al-As. Et c'était l'émir. Et quand la prière du Fajr est arrivée un matin, il s'est réveillé, Amr ibn al-As, en état de janaba. En état de janaba et de grande impureté. On a déjà expliqué dans le cours précédent. Alors il s'est levé, il a fait le tayammum. Il s'est levé, il a fait le tayammum. Et il a prié la prière du Fajr en guidant ses compagnons. Alors lorsqu'ils sont rentrés à Médine, les gens qui ont été derrière Amr ibn al-As se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié, il était en tayammum. Il pensait que il ne devait pas faire le tayammum. Ou qu'il devait laisser quelqu'un à sa place dans cet état-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, as-tu fait ça, ya Amr? Il dit, as-tu prié et tu étais en état de janaba? Alors il a dit, ô messager d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et ne tuez pas vos propres personnes. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Et j'ai eu peur, ou j'allais tuer ma propre personne si je me lavais avec cette eau très froide. Il faisait très froid, l'eau était glacée. J'allais mourir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri et il a attesté, approuvé ce que Amr ibn al-As a fait. Et ça, c'est quel type de sunna qu'on appelle ça? Sunna? Hein? Yatirad? Là. C'est presque ça. Et takririya. Il faut savoir que la sunna, il y a la sunna qawliya. C'est-à-dire la sunna avec la parole. Le prophète, il dit un ordre. D'accord? Il y a la sunna fi'liya. Gestuelle. Le prophète, il a fait quelque chose. Donc on doit le faire. Le hajj, le prophète, il a fait tawaf, on fait tawaf. Et il y a ce qu'on appelle la sunna takririya. C'est-à-dire la sunna d'approbation. Si on peut la traduire comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose devant le prophète ou a dit quelque chose devant le prophète et le prophète ne l'a pas réprimandé. Et il l'a approuvé. C'est pas lui qui l'a fait, c'est pas lui qui l'a dit. Mais il l'a fait, il l'a approuvé ou il l'a, il a rien dit. Donc ça rentre dans quoi? Dans la sunna. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. فَهَذَا الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الدَّرَرَ كَلْمَا البارد أو كان به مريضا ويعلم أن الماء سيضره فيتيمم إلا أن يشفيه الله فيغتسل. Donc ça, c'est la preuve, celui qui craint pour sa propre personne le mal, les préjudices en utilisant l'eau très froide par exemple, ou alors s'il est malade, il sait que s'il utilise l'eau il va tomber malade plus encore, alors là il fait tayammum. Et lorsqu'Allah le guérit, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave. Là, il se lave. Tayyib. بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. Et donc, il doit mettre l'intention d'enlever ce qui a causé son état d'impureté. Lorsqu'on dit رفع الأحداث, c'est-à-dire, tu fais les ablutions pour enlever l'impureté qui a été causée par un des annulatifs des ablutions. On a vu les annulatifs. Tout ce qui sort des deux orifices, le sommeil profond, le fait de manger la viande de chameau, le fait de perdre connaissance ou de devenir fou. On a vu aussi les divergences sur le fait de toucher ses parties intimes. Et on en a oublié un ou pas? La femme qui a ses menstrues, non? Et Le fait de sortir de ça, on avait dit la vie le plus sûre, c'est quoi? C'est que ça annulait pas. Ah, c'est tout. Donc là, il doit mettre l'intention. En niya ya shart. Fayatayammamu bin niya. Wa kayfa yatayammamu bin niya an yarfa al hadath. Sawa an ka yakun hadath asghar ou hadath akbar. Donc l'intention dans le cœur, c'est une condition. Si quelqu'un prend de la terre, hein, il se passe sur le visage les mains, c'est bon, je suis pur. Non, il faut que dans ton cœur, avant de commencer, tu mettes l'intention d'enlever l'état d'impureté dans laquelle tu es. Que ça soit la petite impureté, celles qui sont annulées par celles qui annulent les ablutions, ou les grandes impuretés comme celles qui annulent carrément l'état de pureté majeure, comme la sortie du mani. Les règles pour les femmes, etc. Donc la boud bin niya, wa innam al a'malu bin niyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leurs intentions. Thumma yaqul bismillah, nous dit ici l'auteur. Donc il dit, après avoir mis l'intention dans son cœur, bismillah. Wa fil haqiqa la dalila ali. البسملة جاءت في الوضوء ولم تأتي يعني في التيمم لكن قال الجمهور بالاستحباب قياسا على الوضوء. نعم. Il dit bismillah, la basmala. La basmala, quand on dit la basmala, c'est le fait de dire bismillah. D'accord? En réalité, il y a pas un hadith qui mentionne de dire bismillah lorsqu'on fait tayammum. Il n'y a pas un hadith où le prophète a dit avant de faire tayammum, tu dis bismillah, ou il a montré le tayammum, il a dit bismillah. Il n'y a pas le hadith. Cependant, la majorité des savants voient que ceci est recommandé. Sur quoi ils se basent? Ce qu'on appelle al-qiyas. Al-qiyas, c'est une des preuves. Rappelez-vous, quand on a vu la définition du fiqh. C'est quoi la définition du fiqh? En français, même si vous vous rappelez, c'est dur, c'est loin, hein. ومعرفة أحكام الشرعية والتفصيلية والفرعية كما قال المؤلف بالأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح لأن في قياس باطل وفاسد وزدنا وقول الصحابة كذلك قد يكون يعني Dalilan. On a dit, c'est quoi le fiqh? C'est la connaissance des règles religieuses, concernant les branches de la religion. On ne parle pas de la croyance dans le fiqh. On parle des règles, des branches, la prière, la zakat, etc. Avec ou basé sur des preuves. Les preuves, on les prend d'où? Le Coran, la sunna, l'ijma, c'est-à-dire le consensus. C'est-à-dire que si tous les savants de l'islam sont d'accord sur un sujet, c'est une preuve. Même si on n'a rien dans le Coran, rien dans la Sunna, c'est une preuve. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala laisse toute la communauté s'égarer sur une chose. C'est pas possible. Et les preuves viennent justifier cela. Donc si tous les imams, tous les savants de la Sunna, de l'islam, sont d'accord sur un sujet, c'est une preuve. Et quatrièmement, al-qiyas, c'est l'analogie. C'est-à-dire, tu fais l'analogie d'un sujet sur un autre sujet où il n'y a pas de preuve. Il y a une preuve sur ce sujet, mais un autre sujet qui ressemble à ce sujet. Mais bien sûr, il y a des règles à respecter, il y a des conditions. Ça demande une série de cours pour parler de ça. C'est technique. Les savants ont expliqué les conditions du qiyas. Il y a des conditions dans l'analogie. On ne peut pas comme ça faire une analogie qui sort de notre tête comme on veut. Non, on doit respecter certaines conditions. C'est pour ça qu'on dit dans la définition « al-qiyas al-sahih ». C'est-à-dire le qiyas juste, correct. On ne prend pas le qiyas qui est faux ou qui est incorrect. Je peux vous donner à titre d'exemple comme qiyas qui est utilisé par Shir al-Albani qui m'est resté en tête là et qu'on a étudié le sujet sur les chaussettes. Sur les chaussettes. Quand on passe les mains mouillées sur les chaussettes. Si j'enlève mes chaussettes, est-ce que je perds mes ablutions? Non. C'est quoi la preuve? Certains ont dit qiyas. Qiyas, ça donne quoi? Les cheveux. Si tu passes tes mains mouillées sur tes cheveux, et après tu rases tes cheveux, tu as fait des ablutions? Non. Donc il y en a, ils ont utilisé ce qiyas. D'accord? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est... Hein, ils ont divergé. Je veux juste vous donner une image du qiyas. Mais là, vous comprenez aussi le qiyas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné de dire bismillah avant de faire les ablutions. Le tayammum, n'est-ce pas, qui vient remplacer les ablutions? Donc ils ont dit qiyasan, par analogie aux ablutions, il est recommandé de dire bismillah pour le tayammum. Rappelez-vous, on avait dit que l'avis le plus juste concernant le basmala dans les ablutions, c'est quoi? L'istihbab. C'est recommandé et non obligatoire. C'est recommandé et non obligatoire. Malgré que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wudu hein, bidoun basmala. Au kamaqal sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit pas d'ablution sans le basmala. Ah. C'est clair pourtant. Mais ici, c'est quoi le sens du hadith? Pas d'ablution complète. Et tu n'as pas la récompense complète si tu ne dis pas al-basmala. Et ce qui vient prouver ceci, c'est que beaucoup de compagnons ont décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont pas mentionné le basmala. Et si c'était obligatoire à la bonne ou la validité, barakallahu fikhi, la validité des ablutions, alors il l'aurait mentionné forcément. Mais le fait qu'ils ne l'ont pas mentionné nous prouve que quoi? Que le basmala, elle est recommandée. Faites attention, tu fais les ablutions, tu dis oh, j'ai pas dit bismillah, allez, je recommence. Tu recommences, oh, subhanallah, j'ai encore oublié. Tu recommences trois fois. À chaque fois, hein, non, t'as oublié, khayran. Tes ablutions sont valides. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. Ensuite, il tape la terre avec ses deux mains une seule fois. Hein? On va le voir après, je pense qu'il va en parler, que ce soit la terre, le sable, les pierres, les cailloux, les rochers, et tout ce qui vient de la terre. Tout ce qui provient de la terre, hein, il est permis de faire le tayammum avec. Même certains savants ont dit la poussière que vous pouvez trouver sur les murs, ça fait partie de la terre. Donc ils ont dit, tu par exemple, tu es dans la chambre d'hôpital, il n'y a que du carrelage, hein, il n'y a personne avec toi pour aller chercher une pierre, etc. Tu dois, l'heure de la prière, il va passer. Tu vois le mur, hein, malheureusement, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est le cas. Tu vois le mur, il y a une couche de poussière comme ça. Bismillah, hein, hop, tu tapes, tu fais les. Ton tayammum, mais c'est fini. Certains savants l'ont permis. Bien sûr, encore une fois, il y a une divergence dans le sujet. Hein, certains ont dit non, c'est que la pierre, que la terre, etc. Le mouhim, ce qui est le plus authentique, le plus juste, hein, que as-sa'id, hein, sa'idan tayyiba, c'est tout ce qui provient de la terre. Wa yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffayhi. Et donc il essuie après avec ses mains. Là, l'auteur ne rentre pas dans les détails. Mais dans un des hadiths où il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tayammum, et il le fait lui-même, hein, il mentionne qu'une fois qu'il a tapé sur la terre, il souffle sur ses mains. Hein, pour enlever, hein, la grande majorité ou la terre, hein, qui va être dérangeante. D'accord? Il n'a pas éliminé toute forme de terre, mais il a enlevé. Ah, vous savez, quand vous faites comme ça, la terre. Vous faites comme ça, il y a encore un peu de terre. Vous passez un sur le visage et sans retaper par terre. Et ça, c'est la différence des malikiyas. Un malikiyas ici, vous pouvez le voir, les gens, ils font quoi? Ils retapent encore pour les mains. D'accord? Non, pas besoin. Ici, dans le hadith, il a tapé une fois. Vous passez sur les mains. Certains ont mentionné comme ça, comme le prophète Sam a décrit. Hein? La paume de la main gauche sur, hein, le poignet droit et il remonte au niveau des doigts. Ensuite, la paume de la main droite sur le poignet gauche et il remonte, comme ça. Ou certains ont mentionné, hein, comme les ablutions. Pareil, contrairement au malikiya, on ne lave pas tout le bras. C'est que les mains. C'est pas tout le bras, d'accord? Et on va expliquer, Inch'Allah. فَهَذَا يَكْفِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Et c'est donc ceci est suffisant. Ceci est suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. et essuyez, au sens approché, essuyez vos visages et vos mains avec la terre. Ay min al-turab, yani avec la terre. Fa idha daraba al-turab marratan wahida thumma masaha al-wajh thumma masaha al-yad fa rafa' al-hadath wa huwa rafi' lil-hadath wa laysa mubih amma yaquluna anna al-hadath ma zala mawjud lakin hadha at-tayammum ju'ila laka kat-tasbih الصلاة هذا القول غير الصحيح ما دام أن الماء غير موجود وتيممت فهذا التيمم كالماء يرفع الحدث إذا صليت الظهر على التيمم وفي وقت العصر ما زال على الطهارة بالتيمم فالذين يقولون أنه رافع الحدث يقولون صلي العصر لا تعيد التيمم أما الذين يقولون أنه مبيح فتعيد مرة أخرى التيمم لأن التيمم أباح لك أن تصلي الظهر بعد أن صليت راح التيمم ولو ما أحدثته. Ici il mentionne une des divergences. Donc si tu as frappé la terre une fois, tu as sué ton visage, tu as sué tes mains, alors ici tu as enlevé ton état d'impureté. Tu as enlevé ton état d'impureté. Hein? Et ce n'est pas, comme on dit certains savants, une permission qui t'a été donnée. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que si par exemple, tu pries al-dhuhr avec le tayammum, ceux qui disent c'est une permission, ils disent qu'après al-dhuhr, c'est fini, tu n'as plus les ablutions. Il faut que tu refasses le tayammum si tu veux prier l'asr. Parce qu'ils disent que le tayammum, ça vient juste te permettre de prier la prière que tu dois prier. Après, ça part. Mais ça, c'est la vie qui n'est pas correcte. La vie qui est juste, c'est que ça enlève ton état d'impureté. Du moment qu'il n'y a pas d'eau. Du moment qu'il n'y a pas d'eau, attention. Parce que si l'eau revient, ou s'il t'est possible d'utiliser l'eau, alors là, même si tu es en état de tayammum, tu dois refaire le tayammum. Tu dois refaire al-wudu. D'accord ? Tu dois refaire al-wudu. Tu es à la maison. Hein, on a dit ça fait 4 mois que la SDE ont coupé les vannes. Hein, il n'y a pas d'eau, tu as fait le tayammum. Subhanallah, Allahu Akbar. Yom el Jumu'a, avant le Jumu'a, l'eau arrive dans tout le quartier. Là, tu avais fait le tayammum pour le Fajr. Tu n'as pas perdu tes ablutions. Mais du moment que l'eau est revenue, tu dois refaire les ablutions, donc avec l'eau qui est présente maintenant. Pourquoi ? Parce que le tayammum, il doit être fait seulement si l'eau n'est pas présente ou l'eau n'est pas utilisable. Et là, l'eau est présente. Donc, tu dois utiliser l'eau car l'eau, c'est ça la base de At-Tahara. Et tayammum, hein, c'est venu en y remplacer l'eau. Tayyib ? فَإِنْ دَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَسْ يَقُولَ الْمُؤَلِّفِ. Il dit, si il tape deux fois la terre, il n'y a pas de mal. Hein, s'il a tapé deux fois au lieu d'une fois, il n'y a pas de mal. Ja'a fi ba'd ar-riwayat, lakin la tasih. Ja'a bi tariq ibn Umar, law kana min fi'lihi, daraba lil-wajh, thumma daraba lil-yad. Darbatan wahidan, takfi, wa yajuzu an tuqaddim al-yad 'ala al-wajh, walakin as-sahih an yabda bil-wajh li amrayn. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وثانيا أكثر الروايات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الوجه ثم اليد حديث عمار ابن ياسر في الصحيح. Donc il dit, pourquoi ici l'auteur il dit qu'il est permis de taper deux fois? Il dit parce qu'il y a certaines versions du hadith qui ont mentionné qu'il a tapé deux fois, mais ces versions là quand tu étudies leur chaîne de transmission, leur authenticité, tu te rends compte qu'ils ne sont pas authentiques. D'accord ? Il est rapporté de Omar, de Ibn Omar, pardon, de Abdullah Ibn Omar, qu'il aurait fait cela. D'accord ? Il a tapé une fois pour le visage, et ensuite il a tapé une fois pour les mains. Quand on dit taper, vous comprenez, hein, prendre la poussière ou la terre. Ou le, hein. Cependant, hein, une fois est suffisante, une fois est suffisante. Également, il est possible, il est permis de faire les mains avant le visage. Hein? De faire les mains avant le visage. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines versions du hadith qui ont mentionné qu'il essuie les mains avant le visage. Cependant, il est mieux et préférable de faire le visage en premier. Pourquoi ? Pour deux choses. Premièrement, le verset. Allah, il dit quoi dans le verset ? Famsahu biwujuhikum. Il commence avec quoi, Allah ? Hein ? Ah, par le visage. Allah, il dit abdaou bima bada Allahu bi. Hein ? Et je commence parce que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Donc là, ici, il a commencé avec le visage. Donc nous, on doit commencer avec le visage. Également, le fait que la plupart des versions du hadith ou des hadiths sur le sujet mentionnent le visage en premier. Hein, les mains en premier, c'est seulement quelques narrations. Donc il est mieux et préférable de faire le visage en premier et ensuite les mains. Il reste combien de temps ? قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Et là il mentionne la preuve. C'est quoi la preuve? La preuve du tayammum, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'ida. Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec la terre pure. On a vu qu'ici, sa'idan tayyiba, c'est tout ce qui provient de la terre. Essuyez vos visages et vos mains avec cela, avec cette terre. Et Allah ne veut pas pour vous la difficulté, mais il veut vous purifier. Et il veut compléter pour vous ses faveurs ou ses bienfaits. Et il se peut que vous soyez reconnaissant, ou afin que vous soyez reconnaissant, comme dans Sourate Al-Ma'ida. Ça fait partie des facilités dans la religion. Regardez comment Allah Azza wa Jalla a facilité la religion, que ce soit l'essuyage sur les chaussettes, que ce soit le raccourcissement des prières, que ce soit le tayammum. Tout ça fait partie des facilités qu'Allah nous a données dans notre religion. Il reste combien de temps là ? 4 minutes. Parce qu'après, il mentionne un hadith qui est assez long et qu'on va expliquer en détail. Donc, on va le laisser pour la prochaine fois. Sinon, on n'aura pas le temps de l'expliquer avant la fin. On va s'arrêter là. On reprendra à partir du hadith de Jabir. Inch'Allah ta'ala. Jazakum Allah khairan, ikhwa. Wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.